DJ Pelec gère le piano. Welcome to the sun, to the sun. Bender, bender, bender na bender. Welcome, welcome, welcome. Bender, bender, bender na bender. Je déploie mes ailes comme un char. Tu vas finir sur le carreau. Ces chars clos sont complètement paro. Ils sont pas carrés, ils n'ont pas rond. Oh Manu le coq, oh Manu le coq. Pourquoi j'ai vendu la coque? Boupi, chantier du coq. Mon état d'esprit est glauque. Je ne peux pas baisser mon froc. Je vais faire tomber mon glock. Tomber mon glock. Je ne peux pas baisser mon froc. Je vais faire tomber mon glock. Comme papa alcoolique, ce genre de morceau va les terroriser. Charlie Hebdo fera la chronique. Charlie. Le dentiste a capté les bails. Ce fils de Bouka va à palais de justice. C'est bien si le brolic est vrai, mais à quoi bon sert si les couilles sont factices? J'suis dans le dur, c'est sûr. Depuis l'époque du mur, on vend la pure. À quoi la violence? Oh my god, j'dois faire une cure. J'ai charbonné, personne m'a rien donné. Je ne sais pas chanter, je sais que fredonner. Toi qui t'as parlé, mais qui t'a klaxonné. Sapé comme jamais, toi personne te connaît. Euro, dollar, on veut du luxe, j'm'en fous de lui. Il a pas d'argent, ça sent le poisson. Alors les garçons, est-ce ça va ou ça va? Le savoir est une arme, j'ai braqué un savon. Et si un jour tout ça se savait, y'a pas Willy qu'il faudra sauver. Ego, je déploie mes ailes comme un char. Tu vas finir sur le carreau. Ces chars clos sont complètement paro. Ils sont pas carrés, ils n'ont pas rond. Oh Manu le coq, oh Manu le coq. Pourquoi j'ai vendu la coque? Boupi, chantier du coq. Mon état d'esprit est glauque. Je ne peux pas baisser mon froc. Je vais faire tomber mon glock. Je veux faire tomber mon gars. Meilleur cam, meilleur tarot. Bif, bif, bif, j'tire dans la cabeza. Bonne chance pour le garrot. J'parle de baseball, t'es bébé, fuck Brigitte, Brigitte Bardot. J'me suis fait dans le hall, j'cachais mon joint devant Monsieur Diallo. Allo, j'vais te faire la peau petit connard. Donc on va essayer de me mettre à l'eau. J'suis encore là 20 ans plus tard. Fuck Tago, ce monstre pirate dans son plumard. Le bruit et l'odeur c'est moi, demande à Jacques Chirac. Peine chaque syllabe dans leur mer, si on se dilate. J'aime baiser des mexicaines, demande à Pierre Gignac. Fuck le salaire à Verratti, fuck la fuck. Franchi Bugatti, mettez-moi une de chaque. Ego, je déploie mes ailes comme un char. Tu vas finir sur le carreau. Les chars clos sont complètement paro. Que